Bonsoir chers amis auditeurs, je vous reçois ce soir dans le train de la musique avec un immense plaisir. Et pour doubler ce plaisir, je vous dirai que j'ai au micro avec moi, pour m'accompagner dans notre voyage de ce soir, ma très chère et tendre femme, Aimée Fouché, qui a voulu s'aventurer avec moi dans le train de la musique. Sois la bienvenue Aimée, et je suis sûr et certain que le voyage sera très agréable en ta compagnie. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être aussi avec toi et aussi accompagné de chanteurs aussi fameux, un chanteur de marque que tu as invité dans le train ce soir. Et tu veux bien nous parler de lui? Oui, bien sûr, c'est Monsieur Claude Barsotti. Il nació un 23 de julio en la ciudad de Châtellenon en Belgique. Pero pasó la mayoría de su niñez en Italia. La vuelta a la escuela en Bélgica fue bastante ardua y su único interés era la música. Sus padres lo animaron regalándole una guitarra por su cumpleaños, lo que significó el comienzo de un largo viaje para el resuelto cantante. Barsotti grabó algunos singles a nivel local en Bélgica, pero por fin tuvo una oportunidad con el sello francés DC. En 1981. La carrera de Barsotti continuó en los 80s, pero uno de sus últimos éxitos fue en los 90s con la canción Aime-moi, Ámame, cuando mucha gente ya pensaba que su carrera había culminado. Écoute, arrête. On ne va pas faire entendre nos charmants auditeurs. Nous allons commencer le programme de ce soir avec cette chanson. Et comment s'appelle cette chanson? Aime-moi. Sacrilège, assouvir le cortège de mes désirs de toi. Aime-moi. Et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas.

Quand je rentrais à la maison, j'étais fatigué mais heureux. C'était comme un antipoison, ces quelques jours en amoureux. Tu n'es plus celle que j'aimais, tu parles d'argent, de rupture. On dirait que tu as changé, plus que moi dans cette aventure. C'est plus la peine de crier, de menacer, de faire la gueule. Trop c'est trop, je peux plus t'écouter, te plaindre d'être toujours seul. C'est plus la peine de me dire que je ne suis qu'un égoïste, que c'est seul que je vais finir, que tu n'aimes plus les artistes. C'est moi qui pars, c'est moi qui pars. J'emporte ma guitare, il est temps, il est tard. C'est moi qui pars. Que tu m'attendes, que tu saches m'aimer vraiment, que tu sois un peu plus patiente. Notre vie est une bataille, faire l'amour et puis le défaire. Il faut bien qu'un des deux s'en aille. Je ne veux plus de cette guerre. C'est moi. C'est moi qui pars, j'emporte ma guitare, il est temps, il est tard. C'est moi qui pars, c'est moi qui pars. Ne t'en fais pas, je ne prends rien, c'est le moment quand même mon cher. Elle doit exister quelque part. Las canciones de Barsotti también han sido tocadas en películas y DVDs en Francia, vendiendo millones de copias. En el 2003, una compilación de lo mejor de Barsotti fue distribuida en Francia. Y en el mismo año grabó un disco con las canciones más tradicionales de Italia, canciones como Pour elle, Vivre ensemble, Ma femme. Arrête-toi, on va la jouer celle-là. Tu as dit Ma femme. Ma femme. Écoutons-la. « sans elle, mes larmes couleraient à en faire une mer, un océan géant. Sans elle, moi je m'étourdirais dans des rondes sans fin, des fontaines de vin. Sans elle, je ne suis qu'un pierrot, un duettiste en solo. Sans elle, je suis de trop. Bien sûr, c'est de toi que je parle. Toi, mon amour, ma femme, ma femme. Toi qui sais comme il est fragile, l'infâme. L'homme au poisson d'avril, aux larmes. Toi qui sais au matin d'hiver, la flamme. Les moulins à vent en colère, mon âme, ma femme. Toi qui as su m'attendre, qui as su me comprendre. Toi qui as pris le temps de faire mes enfants. Toi qui as su m'aimer, qui as su pardonner. C'est de toi que je parle, ma femme. Sans elle, je ne saurais plus rien qu'une peine, un chagrin, un fantôme, un pantin. Sans elle, il n'y aurait plus de soleil, plus d'oiseaux, plus d'abeilles. Rien ne serait pareil. Sans elle, je connaîtrais le goût des chagrins d'amour fou. Je manquerais de tout. Bien sûr, c'est de toi que je parle. Toi, mon amour, ma femme, ma femme. Toi qui sais comme il est fragile, l'infâme. L'homme au poisson d'avril, aux larmes. Toi qui sais au matin d'hiver, la flamme. Les moulins à vent en colère, mon âme. Ma femme, toi qui as su m'attendre, qui as su me comprendre, toi qui as pris le temps de faire mes enfants, toi qui as su m'aimer, qui as su pardonner, c'est de toi que je parle, ma femme. Dis-moi, comment s'appelait l'autre encore? Vivre ensemble? Vivre ensemble. Ok, on va l'écouter. On va l'écouter. Allons-y, vivre ensemble. Vivre ensemble, à quoi ça sert? Quand on ne s'aime plus, vivre ensemble une vie de misère et avoir tout perdu. Toi, tu ne comprends rien, je ne fais rien de bien. Tu ne vis que ta vie sans penser à la mienne. Et comme un petit chat, tu roules entre les draps et tu griffes mon corps. Mais notre amour est mort. C'est impossible de vivre ensemble. Un amour sans amour, c'est impossible de faire l'amour ensemble. Tout jamais. s'entendre, de se comprendre et vouloir à tout prix changer les rôles, ce serait drôle. Je sais que ça t'ennuie. Le moment est venu, il faut se dire adieu. À chacun son chemin, à chacun son destin. Tu n'es plus rien pour moi, et je n'ai pas le choix. Ça devait arriver, il faut se séparer. C'est impossible de vivre ensemble, un amour sans amour. C'est impossible de faire l'amour ensemble. C'est impossible, oui, impossible de tout recommencer. La vie emporte nos amours mortes à tout jamais. Et la troisième que tu as mentionnée s'intitulait comment? Pour elle. Ah, pour elle. Allons voir. Ok, on va l'écouter maintenant. Pour elle, des châteaux au pays des merveilles et des îles de sable. Soleil, des rivières de diamants sont pareilles. Pour elle, des oiseaux couleur de l'arc-en-ciel, des montagnes aux glaciers éternels, des sommets où la haine sommeille. Pour elle, j'irai au bout de la terre, je trouverai la ville sous la mer, je traverserai à pied le désert et elle sera ma force et ma joie. Pour elle, j'irai au mât de Cocagne, je décrocherai les châteaux d'Espagne. Pour elle, je peux être un homme heureux, mettre du bleu au gris de ses yeux. Pour elle, pour elle, pour elle, pour elle. Pour elle, des jupons et des robes de soie, des bracelets, des bagages, chaque doigt, des colliers où la lune se voit. Pour elle, des fontaines, des marais, des étangs, des guitares et des pianos tout blancs, des musiques à arrêter le temps. Pour elle, j'irai au bout de la terre, je trouverai la ville sous la mer, je traverserai à pied le désert. Ma force et ma joie. Pour elle, j'irai au mât de Cocagne, je décrocherai les châteaux d'Espagne. Pour elle, je peux être un homme heureux, mettre du bleu au gris de ses yeux. Pour elle, pour elle. Thank you. Comme vous le savez tous, c'est le moment de nous arrêter pour quelques instants. La pause à chaque 30 minutes et surtout ne tournez pas le dial de votre radio, car nous serons avec vous jusque dans quelques secondes. Seulement l'identification de la station. Merci.